Merci de rester fidèle à Katanga 24 News. Madame Echeux, bienvenue dans ce focus. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la question de la gestion des érosions dans la ville de Kolwezi. Vous le savez, cette ville minière qui a un sol très sablonneux et cette situation cause des érosions, notamment en période de pluie où les eaux mal canalisées se retrouvent à creuser. Et cela affecte même les maisons d'habitation, des maisons entières qui s'écroulent, qui sont emportées par des têtes d'érosion qui prend de l'ampleur dans la ville de Kolwezi. Alors pour en parler, dans ce focus, nous recevrons Nsenga Kazadi Shekina. Il est expert en questions environnementales. Avec lui, nous allons essayer de parler, de voir quel est l'état des lieux d'abord de la situation des érosions dans la ville de Kolwezi, mais aussi des pistes de solutions pour gérer là où il faut encore gérer et voir à comment éviter dans l'avenir qu'il y ait des têtes d'érosion dans la ville de Kolwezi. Voilà, bonjour Monsieur Shekina. Bonjour, bonjour, merci. Merci de recevoir Katanga 24 News. D'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la problématique de gestion des érosions dans une ville, notamment la ville de Kolwezi, qui est une ville sablonneuse et qui connaît souvent ces genres de cas d'érosion. D'ailleurs, de manière générale, de manière sommaire, quel état de lieu vous faites par rapport aux têtes d'érosion dans la ville de Kolwezi? Est-ce que c'est un problème qui se pose? Oui, les têtes d'érosion dans la ville de Kolwezi, c'est un problème qui se pose, c'est un problème grave. Un problème grave qui touche toutes les couches, que je peux dire, parce que les érosions, ça ne regarde pas l'aspect social. Ça détruit. Mais pour ce qui concerne par rapport à la gestion des érosions, par là, nous allons d'abord retourner d'abord en arrière pour voir quel est l'état. Donc, faire d'abord l'état des lieux. Tout à fait. Quel est l'état des lieux? Faire les études par rapport au sol, par rapport à notre environnement. Dans la ville de Kolwezi, nous avons un petit problème, c'est donc le problème des canalisations, ce qui pose un grand problème, le problème des canalisations. Aujourd'hui, dans la ville de Kolwezi, nous regardons, nous avons seulement les canalisations de l'époque coloniale, ce que les Belges avaient construit. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Jolicite, Quartier Latin, RVA, nous avons Ewabora. Il n'y a pas de canalisation nécessaire. La question à se poser, que fait le gouvernement aujourd'hui? Nous avons toujours tendance à dire que le gouvernement travaille. Mais sur le plan environnemental, on ne voit pas l'effort. On doit voir les efforts. Les efforts, ce sont les canalisations. Aujourd'hui, on vend presque partout. Quelqu'un qui peut acheter une parcelle, mais on ne fait pas les études sur cette parcelle. Normalement, on devait avoir une équipe qui étudie sur le sol, que sur ce sol ici, avant de y habiter, il faut construire telle maison. Avant de faire ceci, il faut faire cela. Donc, on regarde seulement comme ça. On s'est dit que Kolwezi va bien. Kolwezi ne va pas bien. Avec la pluie qui est là, on se rend compte que s'il y a la pluie, beaucoup de gens dorment dehors. Les gens dorment debout. Pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent. Il y a la pluie. Est-ce que la pluie va détruire ma maison? Est-ce que l'eau va détruire ma maison, va emporter ma maison, ma parcelle, tout ça? Aujourd'hui, on s'est dit que Kolwezi va bien. Bon, pour les gens qui sont à l'extérieur, ils se disent que Kolwezi va bien. Oui, Kolwezi va bien. Mais nous, les gens qui habitent Kolwezi, ça fait un bout de temps. Kolwezi ne va pas bien. Avec les érosions, ça ne va pas. Alors, venons-en aux solutions. Oui. Aujourd'hui, dans les quartiers où il se vit ce problème-là des érosions, oui. Quelles peuvent être les mesures à prendre pour soulager ces habitants-là? Est-ce qu'il faut carrément délocaliser ou il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour gérer ces érosions? Pour dire les délocaliser, c'est pas du tout la solution à donner. Moi, je dirais qu'il faut d'abord commencer par avoir des canalisations parce qu'il y a déjà les gens qui habitent déjà ce quartier. Il faut voir comment il faut canaliser de l'eau, comment faire aussi des routes qui qui donne aussi l'aspect de la ville. Les routes aussi qui permettent aussi à ce que l'eau puisse aussi bien se canaliser. Ça arrive aussi des fois, on fait une route, mais au lieu que l'eau puisse se dégager par la route, s'il y a la pluie, mais l'eau commence à entrer dans la parcelle de, dans des parcelles des habitants. Ça, cela aussi cause des inondations, cause aussi des problèmes. Le problème, il faut d'abord commencer par la canalisation, creuser les canalisations, faire aussi des routes. Alors, qu'en est-il de la question de, du reboisement? Est-ce que le déboisement a aussi un impact sur... favoriserait aussi cette histoire des érosions? Oui, le déboisement favorise aussi. Favorise encore plus parce que lorsque vous déboisez, vous coupez le arbre, donc les racines, la terre aussi, des fois, ça s'attache aux racines. Automatiquement, il y a cette solidité du sol. Mais une fois que vous déboisez, ça devient un grand problème. C'est là aussi, c'est parmi les causes qui provoquent des inondations. Oui. Par là, on peut encore ajouter la solution qu'on peut aussi commencer à implanter, à planter aussi les arbres. À planter les arbres qui va aussi nous permettre à ce qu'il n'y ait pas de, des érosions. Donc, c'est ça le grand problème que nous avons en Colosie et la solution qu'on peut donner à cette question. Peut-être pour ajouter, quelle est la part de responsabilité d'une part de l'État et de l'autre part de la population? Qui devrait faire d'abord l'État avant qu'on arrive à ce que doit faire aussi la population? Parce que quelque part, elle a aussi une responsabilité. Oui. La part de l'État est que l'État d'abord doit prendre ses mesures. Parce qu'au niveau de l'État, il a un service qu'on appelle, il y a le service de l'urbanisme, les services de l'environnement, il y a les services de cadastre et tout ça. Ce sont les services qui sont là pour aider la population. L'environnement est là pour faire les études du terrain. Si quelqu'un aujourd'hui il achète un terrain quelque part, il n'achète pas auprès d'un individu, il achète auprès du cadastre, c'est un service de l'État. Mais si le service lui-même n'arrive pas à donner c'est donc le nécessaire des explications sur le terrain que lui-même vend, que fera la population? Vous vous retrouvez aujourd'hui que quelqu'un achète sur un terrain qui est sablonné, mais il ne sait même pas comment, qu'est-ce qu'il va se prendre en charge. Voilà, ça c'est au niveau de l'État. Oui. Au niveau de la population, que peut faire aussi cette population-là? Au niveau de la population, moi je peux dire que la population doit aussi se prendre en charge, créer seulement eux-mêmes de petites canalisations qui canalisent de l'eau et de planter aussi quelques arbres qui va aussi empêcher que la terre ou le sable puisse un peu s'écouler. Par rapport aux arbres, est-ce qu'il y a aussi la pelouse? Est-ce que ça peut aussi aider Oui, la plantation de la pelouse, ça aide aussi, ça dépend aussi du sol. Okay. Ça dépend aussi du sol. La pelouse aussi aide. Parce que la pelouse, on peut la planter. Quelqu'un peut mettre seulement sur sa parcelle, mais l'autre peut refuser. Parce que la population est un peu compliquée. Il va se dire, non, moi je ne peux pas mettre. L'autre, moi je mets. Maintenant, nous aurons des petites difficultés parce que la population ne savent pas d'abord quelle est l'importance de planter un arbre. Donc il faut aussi une sensibilité. Une sensibilisation. Quelle est l'importance de planter des pelouses? Ouais. C'est là où aussi il y a un problème. Là aussi, ça revient encore à l'État de sensibiliser encore les gens, de sensibiliser encore la population pour dire que non, il faut planter des arbres. Là aussi, ça revient aussi aux journalistes, aux médias de dire que non, on doit sensibiliser. Oui, on doit sensibiliser des conférences dans des quartiers, dans des endroits où il y a des érosions. Leur conscientiser que non, là il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, donc c'est un peu ça. Monsieur Chekina, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que nous recevions M. Nsing Akazadi Shekina. Il est expert en questions environnementales et avec lui, nous avons passé en revue la situation de têtes d'érosion dans la ville de Kolwezi. Merci de rester fidèle à Katanga 24 News. Narcisse Mapenziake, j'étais à la présentation. Je vous fixe à rendez-vous pour d'autres numéros de Focus.